Hier je me rends chez mon docteur qui me dit vous êtes un peu en retard. Je lui réponds c'est bien ça le malheur, ça me le fait à chaque rencard. Il me dit que ce n'est pas courant qu'un docteur attend un patient. Il me cache sûrement quelque chose, il a dit ça en plaisantant. Je lui décris tous les symptômes pour qu'il découvre ma maladie. Lorsque l'on m'attend quelque part, je suis atteint de léthargie, de troubles de la notion du temps. J'ai aussi des crampes aux poignets et au bout d'un petit moment, il m'a avoué d'un air suspect: vous êtes atteint d'aponctualité aiguë. C'est incurable, vraiment c'est moche. Mais vous savez, les risques encourus sont lourds pour vous, mais surtout pour vos proches. Je sors de là un peu sonné, alors je vais prendre un café. Et les symptômes refont surface, je prends mon temps, je me prélasse. J'ai rendez-vous chez un ami, mais les feux rouges veulent me retarder. La parano m'atteint aussi, j'arrive, j'essaie de lui expliquer: je suis atteint d'aponctualité aiguë. C'est incurable, vraiment c'est moche. Oh mais tu sais, les risques encourus sont lourds pour moi, mais surtout pour mes proches. Alors j'ai perdu mon ami, sûrement la peur de la contagion. Faut dire que c'est une épidémie, 30% de la population. Alors si vous avez un doute, allez consulter un médecin. Et si vous suivez à grosses gouttes, sur le chemin ça c'est certain. Vous êtes atteint d'aponctualité aiguë. C'est incurable, vraiment c'est moche. Mais vous savez, les risques encourus sont lourds pour vous, mais surtout pour vos proches. La maladie peut évoluer, moi je suis en phase terminale. J'en viens même à le cacher avec des bobards incroyables. Mais je n'en ai plus pour très longtemps, je devrais même être parti. Car même pour ça c'est affolant, je suis en retard au paradis.